Là, ça sonne bien ton truc, de gauche à droite, même quand tu appuies sur les touches, l'effet. C'est quoi? je refasse tout ça là.